t'aimer toute ma vie. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Quand je te dis qu'il vaudrait mieux ne plus se revoir nous deux. Rien qu'une larme dans tes yeux, je comprends combien je t'aime. Je t'aime et je veux te le dire. Je veux te revoir sourire. C'est notre dernier soir. Demain matin, je partirai. Tu resteras dans ma mémoire comme un bonheur, comme un rêve. Les autres années, nous n'irons plus jamais. fois ce n'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. On sait aimer comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.